Unité 4. Conversation. Écoutez. Paul, quand vas-tu à la fac? Je vais à la fac jeudi. Quand allez-vous au théâtre? Nous allons au théâtre samedi. Quand Madame Martin va-t-elle au marché? Madame Martin va au marché le lundi. Quand va-t-il à Versailles? Il va à Versailles le vendredi. Répétez. 1. Paul, quand vas-tu à la fac? 2. Je vais à la fac jeudi. 3. Quand allez-vous au théâtre? 4. Nous allons au théâtre samedi. 5. Quand Madame Martin va-t-elle au marché? 6. Madame Martin va au marché le lundi. 7. Quand va-t-il à Versailles? 8. Il va à Versailles le vendredi. Répondez, répétez. 9. Paul, quand vas-tu à la fac? 10. Je vais à la fac jeudi. 11. Quand allez-vous au théâtre? 12. Nous allons au théâtre samedi. 13. Quand Madame Martin va-t-elle au marché? 14. Madame Martin va au marché le lundi. 15. Quand va-t-il à Versailles? 16. Il va à Versailles le vendredi. Écoutez. 17. J'écoute la radio le dimanche. 18. Anne travaille chez Madame Blanc le mardi. 19. Monsieur Blanc va à la banque le mercredi. 20. Françoise fait une promenade le samedi. Répondez, répétez. 21. Quand écoutes-tu la radio? 22. J'écoute la radio le dimanche. 23. Quand Anne travaille-t-elle chez Madame Blanc? 24. Anne travaille chez Madame Blanc le mardi. 25. Quand Monsieur Blanc va-t-il à la banque? 26. Monsieur Blanc va à la banque le mercredi. 27. Quand Françoise fait-elle une promenade? 28. Françoise fait une promenade le samedi. Écoutez. Je parle avec Paul. Paul étudie l'anglais. Françoise et Jacques étudient aussi l'anglais. Est-ce que tu étudies l'anglais? Oui, j'étudie l'anglais à l'école avec Paul. Nous étudions l'anglais commercial. Et vous, étudiez-vous aussi l'anglais? Non, nous n'étudions pas l'anglais. Étudiez-vous l'italien? Oui, nous étudions l'italien à l'école. Répétez. 29. Je parle avec Paul. 30. Paul étudie l'anglais. 31. Françoise et Jacques étudient aussi l'anglais. 32. Est-ce que tu étudies l'anglais? 33. Oui, j'étudie l'anglais à l'école avec Paul. 34. Nous étudions l'anglais commercial. 35. Et vous, étudiez-vous aussi l'anglais? 36. Non, nous n'étudions pas l'anglais. 37. Étudiez-vous l'italien? 38. Oui, nous étudions l'italien à l'école. Écoutez. 39. Vous étudiez l'italien. 40. Vous parlez très bien l'italien. 41. Il travaille à Londres. 42. Il parle très bien l'anglais commercial. 43. Nous étudions aussi l'anglais commercial. 44. Nous travaillons chez Dubois, import-export. Répondez, répétez. 45. Est-ce que vous étudiez l'italien? 46. Oui, nous étudions l'italien à l'école. 47. Parlez-vous très bien l'italien? 48. Oui, nous parlons très bien l'italien. 49. Est-ce qu'il travaille à Londres? 50. Oui, il travaille à Londres. 51. Parle-t-il très bien l'anglais commercial? 52. Oui, il parle très bien l'anglais commercial. 53. Est-ce que vous étudiez aussi l'anglais commercial? 54. Oui, nous étudions l'anglais commercial. 55. Travaillez-vous chez Dubois import-export? 56. Oui, nous travaillons chez Dubois import-export. Écoutez. 57. Où vas-tu, Pierre? 58. Je vais à la fac. 59. J'ai un cours de français. Et toi, Paul? 60. Je vais à la bibliothèque. 61. J'ai un rendez-vous avec Marie. 62. Nous avons un examen demain. 63. Nous étudions tout l'après-midi. 64. Nous avons tout un livre à lire. 65. Paul et Marie ont un rendez-vous à la bibliothèque. 66. Pierre a un cours de français. Répondez, répétez. 67. Où vas-tu, Pierre? 68. Je vais à la fac. 69. As-tu un cours de français? 70. Oui, j'ai un cours de français. 71. Où vas-tu, Paul? 72. Je vais à la bibliothèque. 73. Est-ce que tu as un rendez-vous? 74. Oui, j'ai un rendez-vous avec Marie. 75. Est-ce que vous avez un examen demain? 76. Oui, nous avons un examen demain. 77. Est-ce que vous étudiez tout l'après-midi? 78. Oui, nous étudions tout l'après-midi. 79. Est-ce que vous avez un livre à lire? 80. Oui, nous avons tout un livre à lire. 81. Est-ce que Paul a un cours de français? 82. Non, Paul n'a pas un cours de français. 83. Est-ce que Paul et Marie ont un rendez-vous? 84. Oui, Paul et Marie ont un rendez-vous. 85. Pierre, a-t-il un cours de français? 86. Oui, il a un cours de français à la fac. 'Écoutez. Françoise, as-tu le numéro de téléphone de Marie? Non, je n'ai pas le numéro de Marie. Téléphonez à Pierre, voici son numéro. 43 05 69. Comment? 43 05 69. Merci bien. Nous téléphonons à Pierre tout de suite. Allô, Pierre? Ici Paul. Comment vas-tu? Très bien, merci. As-tu le numéro de téléphone de Marie? Oui, un instant. Voilà. 21 78 53. Comment? 2 1 7 8 5 3. Merci bien. À bientôt, Pierre. À bientôt, Paul. Répétez. 87. Françoise, as-tu le numéro de téléphone de Marie? Quatre-vingt-huit. Non, je n'ai pas le numéro de Marie. Quatre-vingt-neuf. Téléphonez à Pierre, voici son numéro. Quatre-vingt-dix. Quarante-trois, zéro cinq, soixante-neuf. Quatre-vingt-onze. Comment? Quatre-vingt-douze. 4, 3, 0, 5, 6, 9. 93. Merci bien. 94. Nous téléphonons à Pierre tout de suite. 95. Allô, Pierre? Ici Paul. Comment vas-tu? 96. Très bien, merci. 97. As-tu le numéro de téléphone de Marie? 98. Oui, un instant. Voilà. 21 78 53. 99. Comment? 100. 2, 1, 7, 8, 5, 3. 101. Merci bien. À bientôt, Pierre. 102. À bientôt, Paul.